Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, un film qui attise la polémique dans les pays de l'ex-Yougoslavie. Le film n'était pas encore sorti, et pourtant il mettait déjà les Serbes et les Croates en émoi. Dara iz Jasenovka, Dara de Jasenovac en français, du réalisateur Peter Antonievitch. Dara de Jasenovac se présente dans sa bande-annonce comme un film sur les atrocités de la guerre vues par les yeux d'une enfant serbe dans ce camp de concentration avéré de Jasenovac sur le territoire croate pendant la Deuxième Guerre mondiale. Solidarité, exécution sommaire et démonstration de la force de résistance de l'esprit humain, tous les ingrédients du film concentrationnaire semblent réunis pour dénoncer le martyre des Serbes, des Juifs et des Tziganes dans les Balkans. Personne ou presque n'avait encore pu le visionner. La sortie du film a été repoussée deux fois pour cause d'épidémie de Covid. C'est donc les journalistes, avec leur accès en avant-première, qui ont allumé la mèche de la polémique. Et c'est ce que nous dévoile le Courrier des Balkans. De son côté, le magazine américain Variety évoque les intentions douteuses d'un film de propagande à peine déguisé. Un article qui a déchaîné des flots de commentaires incendiaires sur la toile et la riposte des réseaux nationalistes serbes affirmant que leurs ennemis empêchaient qu'on parle du génocide serbe de Jasenovac. Un site d'information croate évoque même une nouvelle guerre culturelle entre Serbes et Croates autour de ce film. Les derniers chiffres dénombrent environ 80 000 personnes, en majorité serbes, assassinées dans le camp de Jasenovac entre 41 et 45, sous l'autorité du gouvernement Ustachi, une variante nationale du fascisme alliée de l'Allemagne nazie. Une mémoire historique terrible, déjà ravivée dans le processus de démembrement de la Yougoslavie dès les années 80, et bien sûr au cours des guerres des années 90 entre les anciennes républiques de la Fédération. Les autorités serbes défendent avec détermination le film qu'elles ont financé et qu'elles présentent pour la première participation du pays aux Oscars pour représenter les couleurs nationales. Après sa sortie aux États-Unis le 5 février, le Los Angeles Times déplore que l'histoire de ce camp ne soit le prétexte à un règlement de compte en se distinguant par une tentative de marquer des points dans une querelle de longue date avec ses stéréotypes de soldats cruels, de méchantes religieuses et de figures maternelles à la fois protectrices et suspectes. Ce qui intéresse la réception américaine tient moins au conflit régional entre deux nations que la récupération de l'histoire de la Shoah à cette fin. Avec le risque, selon Jay Weisberg dans Variety, de réduire encore davantage le sujet à un thème à succès, une valeur sûre du marché cinématographique mondial, parce que la Shoah fait vendre et la banalisation d'un cocktail de sensationnalisme et de sensiblerie, d'un événement hors norme qui mérite, y compris dans la fiction, un traitement au premier plan. On attend la sortie du film en Europe dans l'année. Eh bien, nous y serons. Merci beaucoup, Anaïs Kien.